deuxième temps de notre série de regards historiques portés sur la crise des Gilets jaunes ce matin, histoire des violences et du maintien de l'ordre. Après avoir discuté hier avec les historiens Gérard Noiriel et Nicolas Rousselier des remises en cause de la démocratie représentative et avant demain de nous interroger sur les questions de répartition fiscale et d'économie morale, nous allons ce matin nous demander ce que les questions de liberté de manifester et de violence, comment ces questions ont été posées à la République, en particulier depuis la fin du 19e siècle et la 3e République. Nous le ferons en compagnie de nos quatre invités. Laurent Lepez, il est chargé d'études au service historique de la Défense, il est chercheur associé au CESDIP et il est auteur d'une thèse qui s'intitule « La guerre des polices n'a pas eu lieu, gendarmes et policiers, co-acteurs de la sécurité publique sous la 3e République », paru en 2014 aux presses de Paris-Sorbonne. Arnaud Hout est également avec nous, il est professeur à l'université de Paris-Sorbonne, il est spécialiste de la question des gendarmeries, les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours, toujours chez Paris-Sorbonne en 2016, mais aussi il a été l'auteur d'un volume de l'histoire de la France contemporaine au seuil qui s'intitulait « Le triomphe de la République 1871-1914 ». Ludivine Montigny est également avec nous au téléphone, elle est maîtresse de conférence HDR en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Elle est auteure, entre autres, d'une histoire de la France contemporaine, elle aussi, le volume 10 sur la France à l'heure du monde, mais aussi, bien entendu, de ce livre paru l'année dernière, 1968, de Grand Soir en Petit Matin, toujours aux éditions du Seuil. Et enfin, Anne Steiner est avec nous, elle est maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, auteure du Goût de l'émeute, manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque. Bientôt, c'est le vert des barricades, construites avec des matériaux hétéroclites. Bancs brisés, tables et chaises pris aux terrasses des cafés, brouettes abandonnées par les balayeurs, matériaux pris dans des chantiers, arbres sectionnés. Des pierres furent lancées sur les vitres des immeubles bourgeois. On avait voulu laisser les manifestants dans l'obscurité la plus totale, en n'alimentant pas les becs de gaz. Ils s'éclairèrent en crevant les tuyaux de plomb des réverbères pour en faire jaillir le gaz, aussitôt enflammé, puis ce fut autour des kiosques à journaux de brûler, le feu appelant le feu, les barricades elles-mêmes se transformèrent en gigantesques bûchers, alimentés par l'apport continuel d'objets divers provenant des commerces et des cafés pillés, des voitures saccagées et des débris de mobilier urbain. Armés de pioches et de pelles, prises dans les chantiers ou apportées par des terrassiers participant au rassemblement, les manifestants entreprirent de dépaver les rues pour disposer de projectiles à lancer contre les forces de l'ordre. Bonjour Anne Steiner. Bonjour. C'est un extrait de votre « Goût de l'émeute, manifestations et violences de rue dans Paris et sa banlieue à la Belle Époque », paru aux éditions de l'Échappée en 2012. Et on a l'impression que cette scène que je viens de lire, c'est une scène qu'on a vue il y a deux week-ends ou trois week-ends dans Paris. Ah exactement, ça fait écho, oui. C'est quoi exactement cette Alors, scène? Alors ça, c'était le 13 octobre 1909, la manifestation tout à fait improvisée qui était une protestation contre l'exécution du pédagogue libertaire Ferrer. Il y avait eu des émeutes... Francisco Ferrer, oui. Il y avait eu des émeutes en juillet à Barcelone qui étaient liées à la protestation contre l'envoi de réservistes au Maroc. Et il y avait eu une journée le 26 juillet où 80 bâtiments essentiellement religieux avaient brûlé. Enfin, trois jours d'émeutes avec 75 morts, des milliers de blessés. Ça, c'était à Barcelone. À Barcelone, énormément d'arrestations, parmi lesquelles cette grande figure, Francisco Ferrer, qui était effectivement libertaire, mais qui était aussi franc-maçon, néo-malthusien, qui était une grande figure intellectuelle et reconnue, mondialement connue, on peut dire, puisque le jour où cette manifestation se déroule à Paris, il y a aussi des manifestations émeutes dans toutes les villes d'Italie, à Prague, à New York même, et en Amérique latine. Et vous décrivez donc très précisément cette manifestation de 1909 dans votre livre sur le goût de l'émeute, et effectivement on voit comment monte un événement populaire qui n'est pas contrôlé d'une certaine façon à ce moment-là. Enfin, il est, on voit bien combien les gens s'amalgament, commencent à vouloir faire quelques gestes violents, à s'attaquer aux policiers et essentiellement à casser le mobilier urbain, comme on dit aujourd'hui. Oui, parce qu'ils se retrouvent bloqués, l'accès à l'ambassade d'Espagne devant laquelle ils voulaient protester. C'est des dizaines, c'est 20 000 personnes qui se regroupent en fin d'après-midi, sitôt l'annonce de la mort de Ferrer. Connu, il a été exécuté dans les heures qui ont suivi le verdict et on ne s'attendait pas à ce que ce soit si précipité. Donc même les forces de l'ordre n'ont pas pu s'organiser. La garde républicaine est mobilisée au dernier moment. C'est un peu la cohue des deux côtés. Et donc les manifestants se retrouvent face à un barrage policier. Ils veulent absolument accéder à l'ambassade et c'est le début des violences. Alors cette scène, Ludivine Mantigny, bonjour. Bonjour. On aurait pu la trouver dans votre 1968 de Grand Soir au Petit Matin, puisque vous consacrez un chapitre complet à la position de la police dans votre livre sur 1968. Mais il y a des différences, évidemment. Ça n'est pas exactement la même chose. Et surtout, il y a des nouveaux modes de répression ou des nouveaux modes de contrôle des manifestations qui se sont mises en place, en particulier une innovation qui n'existe pas en 1909. Les gaz lacrymogènes qui changent sûrement beaucoup de choses, ainsi que les fourgons. Donc, qui peuvent arroser les manifestants avec un débit d'eau assez important. Ce sont des nouveautés que vous connaissez en 68 et que ne connaît pas Anne Steiner en 1909 quand elle évoque la manifestation sur Ferrer. Bien sûr, mais Anne Steiner en connaît aussi l'histoire et les prolongements. C'est vrai, et en fait, ce que dit cette révolte de 1909, qu'on peut tout à fait comparer aux prémices de mai 1968, c'est que, moi, je crois que, Emmanuel, dans votre émission, c'est aussi par commodité que vous distinguez la thématique de la violence, hier, la question du politique, et aujourd'hui, demain, l'économie morale. Ouais, ça me semble très important de le souligner d'emblée, en écho à cette révolte de 1909, parce que, bien sûr, la violence, c'est politique, et ça procède aussi profondément de cette économie morale que vous allez évoquer demain. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit aussi bien en 1909 qu'en 1968, c'est que le corps est politique. Le corps est impliqué dans la dynamique même de l'événement. Donc il y a une physique du politique qui révèle aussi l'ordre politique, l'ordre social, et qui pose la question, de la panique ou de la déstabilisation des forces de l'ordre, et qui soulève cette interrogation fondamentale dans chaque moment de révolte ou d'insurrection, voire de révolution, c'est quel ordre protège les forces de l'ordre. Mmh. Là, c'est vraiment le cœur de l'événement qui déplace aussi les seuils de tolérance à la violence, c'est-à-dire qu'on est dans une dynamique au cours de laquelle, même si on n'avait pas envisagé 2 heures auparavant de se saisir d'un pavé ou de dresser une barricade, c'est l'épreuve même physique de l'événement. Comme vient de le rappeler Anne Steiner, c'est aussi dans une perspective défensive, quand on se heurte au barrage policier, que l'on se met, qu'on se meut en quelque sorte, émouvoir et émeute, c'est la même racine étymologique, qu'on se met à prendre la politique et le politique à bras le corps dans tous les sens du terme. Et c'est d'ailleurs ce que disaient beaucoup de ces gilets jaunes pendant les manifestations parisiennes des derniers week-ends. Arnaud Houde, vous évoquez aussi dans votre travail sur la Troisième République, paru dans la collection de l'histoire de la France contemporaine au Seuil, cette manifestation du 13 octobre 1909, et vous dites en fait c'était une expérience décisive pour conquérir la liberté des pacifiques manifestations de la rue. C'est comme ça que le titre l'explique, l'humanité en 1909. Et donc, on est dans une question intéressante qui est comment une république naissante, elle est née 20 ans plus tôt, un peu plus de 20 ans plus tôt, cette république, cette troisième république, fait avec la liberté de manifester et de l'autre côté la nécessité de maintenir l'ordre public dans un contexte assez éruptif, le contexte d'une manifestation de ce type pour Francisco Ferrer. Oui, tout à fait. Alors, il faut distinguer en fait deux journées, parce qu'il y a la journée du 13 octobre, ou plutôt la soirée du 13 octobre dont on vient de parler, qui se caractérise par, pour le coup, cette logique d'émeute, de violence, de répression très forte. Il y a un policier tué, il y a des blessés. Il y a même un coup de feu qui touche de près, enfin qui s'approche de près, voilà, qui touche la barbichette du préfet Lépine. Donc on a tout ce qu'il faut le 13 octobre pour être dans un spectacle de désolation du point de vue de l'autorité républicaine qui voudrait justement une société pacifiée. Ce qui est intéressant, c'est que 4 jours plus tard, on est quand même dans une relative urgence, hein, mais 4 jours plus tard, il y a une deuxième manifestation qui s'organise pour la même cause, pour rendre hommage à Francisco Ferrer. Mais cette fois, le pari qui est fait, c'est de négocier le trajet de la manifestation, de négocier justement le système d'organisation du cortège. Alors Jean Jaurès le dit, hein, dans l'Humanité, Gustave Hervé le dit dans la Guerre sociale, il faudra faire l'admiration justement de tous par la démonstration de force maîtrisée. Et ce qui caractérise cette manifestation, c'est qu'elle est tenue par un service d'ordre, pour la première fois, ce qu'on appelle, le mot est joli, hein, les hommes de confiance, qui ont une belle écharpe et qui sont chargés justement de faire la police de la rue. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que cette question de la confiance, cette question aussi de la maîtrise, est une question qui est centrale, Laurent Lopez, dans notre propre travail. Vous travaillez sur les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, dans ces années, justement, entre 1880 et la Première Guerre mondiale, qui voit naître à la fois cette Troisième République et la nécessité de laisser les manifestants pas prendre les rues d'une certaine façon, ce qui n'était pas possible dans les régimes précédents, et également de maintenir la liberté des autres qui ne sont pas manifestants, de pouvoir protéger leurs biens. Et ça, c'est tout le dilemme que se posent en particulier les préfets de police. Et on a parlé du préfet Lépine, qui est le célèbre préfet du début de siècle, donc en France et à Paris. Bien, bonjour. Einsteiner évoquait le rôle important de la garde républicaine dans le maintien de l'ordre à Paris au début du XXe siècle. Et effectivement, j'ai inversé un petit peu la perspective, si vous me le permettez, peut-être de manière un peu provocatrice. Mais je dirais que la Troisième République peut se permettre de pacifier le maintien de l'ordre, puisqu'on a déjà une force de l'ordre qui est prête à cela. En effet... À partir du 27 février 1884, on a une circulaire confidentielle du ministre de l'Intérieur, Valdec-Rousseau, extrêmement importante, qui préconise l'emploi exclusif de la gendarmerie dans le maintien de l'ordre un rôle de douceur, de maîtrise de soi. Enfin, et on a vraiment l'impression qu'il faut assurer la liberté de chacun et la tranquillité publique, exactement. Dit-il en 1884, Valdec-Rousseau. Exactement. Et si Valdec-Rousseau... peut se permettre de dire cela, et s'il pense que la gendarmerie est capable d'assurer cela, c'est parce que déjà, dès le début des années 1880, par exemple, à la garde républicaine, dont parlait Einsteiner, les gardes républicains doivent copier des pages d'écriture dans lesquelles on leur dit que la plus grande douceur et la plus grande persuasion doivent présider à l'emploi de la force dans les manifestations, et en dernier recours, vraiment uniquement en cas de légitime défense, ils doivent utiliser leurs armes. Oui, alors il dit par exemple dans cette note confidentielle, cette circulaire confidentielle, Valdec-Rousseau, ministre de l'Intérieur en 1884, qu'il faut tenir compte d'une opinion qui se façonne de plus en plus aux mœurs de la liberté. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui se construit dans ce regard porté par l'opinion, la grande presse. Il faut rappeler que la fin des années 1880, ce sont les grandes lois sur la presse, sur la liberté d'association. Qu'en 1884, on crée une grande loi qui va créer les syndicats professionnels, et que d'ailleurs, cette circulaire sur la façon de maintenir l'ordre de façon plus douce de Valdec-Rousseau tient aussi au fait qu'on va ordonner ces questions des syndicats en 1884. Exactement, j'allais dire que cette circulaire de la fin du mois de février 1884, hein, donc qui fait de la gendarmerie l'acteur prioritaire, en tout cas dans une certaine limite, évidemment, quand les manifestations restent relativement pacifiques, cette circulaire, elle prépare l'expression dans la rue des syndicats, puisque la grande loi sur les syndicats apparaît 2 semaines plus tard à peu près. Oui, Arnaud Hout. Oui, alors la difficulté ici, c'est de prendre en compte le décalage qui peut exister entre l'intention telle qu'elle est affichée et la pratique. Et là, ça me faisait penser à un dessin assez célèbre de L'Assiette au beurre, la grande revue satirique du début du XXe siècle, où vous voyez justement des policiers qui sont en train de suivre une leçon. Au tableau, il est écrit « On ne répond pas aux coups par les coups ». Et la légende dit, pour éviter de fréquentes infractions au règlement, vous frapperez les premiers. Ce qui est aussi la limite, évidemment, du dispositif. Alors, on écoute un extrait d'une archive toute récente. Ça fait partie de ces dernières archives qui sont rentrées dans nos fonds. C'était il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, répliquant justement à ces manifestations et espérant qu'elles se tiennent au mieux possible. Tous les jours, il y a des dizaines de milliers de policiers qui prennent des risques pour assurer la sécurité. Mais quand, par contre, on leur fait prendre des risques, tout simplement parce qu'on souhaite une forme de désorganisation et qu'on souhaite, du coup, affaiblir ces forces de protection, on s'affaiblit soi-même. Donc moi, j'insiste. Demander la déclaration d'une manifestation, c'est pour garantir la protection de celles et ceux qui manifestent. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et vous avez remarqué que pour toutes les interventions qui se sont déroulées, elles ont été nombreuses pour libérer des dépôts pétroliers, pour libérer des zones commerciales, pour sauver l'activité économique et donc des emplois dans les entreprises, il n'y a eu aucune violence de la part de nos forces de l'ordre. Et que le nombre de blessés est beaucoup plus important du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants, et qu'en aucun cas, un policier, un gendarme n'a blessé un manifestant. C'est la consigne que je leur ai demandé de tenir, et ils le font fort bien. Est-ce que vous craignez des débordements pour demain ? Dans chaque manifestation, il y a des risques de débordement. Traditionnellement, quand les partenaires sociaux, par exemple, organisent une manifestation, ils savent l'organiser. Ils organisent leur propre système de sécurité. Qui, demain, qui a appelé à la manifestation, assure la responsabilité ? Je n'en sais rien. C'est effectivement un vrai problème. Et je crois qu'il faut assumer sa propre responsabilité. Si on décide d'organiser une manifestation, il faut assumer d'avoir décidé de l'organisation. C'est parfaitement respectable. J'ai manifesté dans ma vie, mais j'ai toujours veillé à le faire dans le respect de l'ordre public. Parce que je crois qu'il n'y a pas de liberté sans ordre public. On pourrait croire que c'est Waldeck Rousseau, ce Christophe Castaner aujourd'hui. Il dit à peu près la même chose que disait un ministre de l'Intérieur à la fin du 19e siècle, Laurent Lopez. Oui, effectivement. Ce qui m'a intéressé également dans les propos du ministre de l'Intérieur, c'est cette notion de débordement des forces de l'ordre. Alors effectivement, souvent on se focalise sur des grands événements. Hein, à partir de 1906, les 1er mai deviennent, déjà antérieurement, mais à partir de Clémenceau, les 1er mai deviennent vraiment de grosses manifestations qui font l'objet de la part des forces de l'ordre d'une préparation. Mais au-delà de ces grands événements, ce qu'on peut constater dans le cours quotidien des choses, si je puis dire, c'est que très souvent les forces de l'ordre sont débordées. Et peut-être que la meilleure moyen de rétablir l'ordre, c'est de laisser l'émeute, les manifestations se calmer. Moi, ce que j'ai pu voir, par exemple, dans les années 1870, un grand charivari à Autun, et les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, sont complètement dépassés. Et en fait, l'ordre va se rétablir de lui-même au bout d'une semaine. Alors, vous parliez du 1er mai 1906. Hans Steiner, pendant ce 1er mai, je donnerai ensuite la parole à Ludivine Montigny. C'est 45 000 policiers et soldats mobilisés. On est bien au-delà de ce qu'on a connu pendant ces derniers week-ends. Et 45 000 mobilisés à Paris. Oui, parce que la CGT avait décidé de faire, la CGT qui est alors syndicaliste révolutionnaire et qui prône la grève générale, avait prévu de faire longtemps à l'avance, plus de 18 mois avant, de ce 1er 1906, le démarrage d'une grève générale pour les journées du 8 heures. Donc il y avait une véritable panique qui montait, une ambiance d'attente fiévreuse. Et en fait, du coup, il n'y a pas eu de manifestation, puisque la technique du manège a été utilisée. Alors, qu'est-ce pour que la technique du manège? Les cavaliers tournent en rond sans relâche sur les grandes places, notamment place de la République. Et il y a des affrontements dans les rues annexes, il y a des tramways renversés à Belleville, mais la manifestation n'a pas lieu. Et il y a énormément d'arrestations préventives. C'est le fameux manège Mouquin, c'est oui, ça ? Exactement. Du nom du préfet, du chef de la police de cette époque-là ? Dans les 45 000, il y a évidemment beaucoup de soldats, parce qu'il n'y a pas 45, enfin, il n'y a pas de force de répression à part la garde républicaine et les brigades d'agents, et ouais. On en voit des tas de régiments. Et c'est la grande différence, effectivement, avec aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'armée ne rentre pas théoriquement dans ce genre de manifestations pour pouvoir les contrôler. Mais là, on n'a que l'armée. Voilà. Et Ludivine Montigny. Oui, en écoutant les différentes interventions, je pense à ce qu'avait dit Joseph Fouché, hein, dont on se souvient qu'il a été ministre de la police sous le Consulat puis l'Empire. On s'en souviendra encore plus demain à partir de la sortie du film L'Empereur de Paris qui traite du destin romancé de Vidocq, en l'occurrence. Oui, on s'en souviendra encore plus. Ouais. Et Fouché disait, la force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. La force de la police, c'est qu'on ignore ses faiblesses. Et c'est vrai que l'événement, hein, qu'il s'agisse d'une émeute ou d'une révolte, hein, la question des mots a aussi son importance, c'est qu'elle vient servir aussi de révélateur des faiblesses de cet ordre et aussi du pouvoir de manière générale. Parce que ce que crée ce genre d'événement, ce dont on discute, c'est que Arnaud tout à l'heure parlait de la police de la rue, ben c'est évidemment l'espace physique, social et politique de la rue qui est en jeu, puisque pour les manifestants, il s'agit non seulement de prendre la rue, mais parfois de dire que le pouvoir est dans la rue. Mmh. Hein, quand ils et elles ont le sentiment que le gouvernement ne les représente plus. Et donc là, on a un enjeu très fort pour les forces de l'ordre qui considèrent, et notamment en ce qui concerne les gradés, hein, que toute manifestation est en soi illégitime, puisqu'elle vient prendre la rue là où le pouvoir doit être dans les palais et dans les assemblées. Et comment fait le pouvoir, justement, ce nouveau pouvoir républicain, en particulier au tout début du XXe siècle, avec un personnage qui s'appelle Georges Clemenceau, par exemple, pour... justement, laisser la liberté aux gens de manifester, et de l'autre côté, pour empêcher ce que on appelait tout à l'heure, Laurent Lopez appelait tout à l'heure, les débordements, Arnaud Hout. À mon avis, il y a deux personnages qui sont importants ici, c'est Georges Clemenceau, bien sûr, et Aristide Briand, puisqu'ils vont partager tous les deux la tête du gouvernement, le ministère de l'Intérieur, les responsabilités entre 1906 et 1914. Et là, il y a un moment vraiment décisif, et une histoire personnelle qui est intéressante à rappeler. Clemenceau vient de la gauche radicale. Ouais. Il déteste la CGT, mais au moment de la fusillade de Fourmis en 1891, il est député d'opposition et il s'indigne contre l'attitude du gouvernement et il explique qu'il y a un quatrième état qui arrive, qu'il faut le prendre en compte. Donc Clemenceau, il a cet héritage-là et cette connaissance intime de la rue. Ce qui est encore plus vrai d'Aristide Briand, qui vient pour le coup des milieux socialistes révolutionnaires et qui, 10 ans avant d'être ministre de l'Intérieur, fait un grand discours dans lequel il dit « Allez-y avec des piques, avec des pioches, je vous suivrai ». Alors c'est celui-là qui devient ministre de l'Intérieur 10 ans après. Évidemment, du côté de la CGT en particulier, on lui Christophe rappelle Christophe Castaner nous rappelait qu'il avait manifesté dans sa jeunesse, mais il n'avait peut-être pas les piques. Mais peut-être pas de la même manière pour le coup qu'Aristide Briand. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnalités, finalement, sont toutes les deux du côté... désormais de l'ordre, très clairement, mais avec une compréhension assez intime, finalement, de ce qui n'est pas leur adversaire, de ce qu'ils considèrent pas forcément comme leur adversaire. Et tout l'enjeu, c'est de transformer l'ancien ennemi en adversaire à qui on peut laisser une place. Et justement, c'est la dynamique de pacification, finalement, politique de ce qui précède la Première Guerre mondiale. Laurent Lopez, puis Anne Steiner. Oui, vous parlez de l'année 1906. Elle est importante à un double titre, alors, du point de vue de l'histoire ouvrière et des mouvements sociaux, mais également du point de vue de l'histoire des forces de l'ordre. J'allais dire que ces deux histoires, elles se nourrissent mutuellement. Oui, c'est ça. 1906, c'est également un projet de reconstitution d'une gendarmerie mobile par Clemenceau. Clemenceau, dont on sait... D'abord un peu secret. Ce projet, il l'imagine déjà, mais il va être mis en œuvre un alors, peu plus tard. Il n'est pas secret au sens où il passe quand même devant le Parlement, mais il y a pas mal de réticences d'une part des parlementaires et au sein même de la gendarmerie. Mais il y a le projet de reconstitution d'une gendarmerie mobile qui serait particulièrement dévolue au maintien de l'ordre. Et comme Clemenceau échoue à faire passer ce projet, finalement, c'est la police qui va récupérer l'épithète mobile pour créer la police mobile à partir de 1907. C'est intéressant de voir qu'on a un décalage de la gendarmerie mobile qui se consacrerait au maintien de l'ordre à la police mobile qui, elle, doit faire exclusivement de la police judiciaire. Et après-guerre, à partir de 1918, alors là, effectivement, de manière un peu clandestine, un peu secrète, Clemenceau va utiliser la fin de la guerre et puis le risque d'une révolution, hein, sur le modèle d'une révolution bolchevique, pour créer l'ébauche de ce qui sera les pelotons mobiles de gendarmerie, les pelotons de gendarmerie mobile à partir de 1921, qui sont donc cette gendarmerie mobile qui crée... l'architecture de ce qu'on connaît aujourd'hui. Anne Steiner. Oui, je voulais dire que Clemenceau, comme Briand, du fait aussi de ce passé, ont focalisé une haine terrible. Hein, pour avoir changé de position. Oui, et puis pour s'être montré extrêmement brutal, en tout cas en ce qui concerne Clémenceau, il y a quand même 17 morts et des centaines de blessés. 17 morts et 467 mutilés dans les affrontements avec dans les forces de l'ordre, dites-vous, entre 1905 et 1910, Einstein. Exactement, et après, avec Briand, ça s'adoucit quand même. Mais Clémenceau, toutes les caricatures, bon, c'est quand même le siècle de, enfin les années glorieuses des grands dessinateurs de presse, l'assiette au beurre, les hommes du jour, Grandjouan, Delannoy, Jousseau, bien sûr. Et ce qui reste de Clémenceau, c'est cette une des hommes du jour. C'était les hommes du jour, c'était un journal qui consacrait un portrait, chaque numéro était consacré au portrait d'un homme politique ou un artiste, etc. Et quand vient le tour de Clémenceau, il s'est passé l'événement de Draveil, la grève des sablières, avec cette manifestation à Villeneuve-Saint-Georges qui fait 5 morts et énormément de blessés graves, très très graves, et Delannoy arrive, et là on se dit mais qu'est-ce que Delannoy va bien pouvoir dessiner, et il arrive avec une tête de mort au bout d'une pique, tête de mort dans laquelle on reconnaît absolument Clémenceau avec sa grosse moustache. Quand c'est Briand la jaunisse du fait de son revirement, il n'est désigné la jaunisse, que évidemment, c'est que parce comme que c'est, la jaunisse, c'est un jaune. Voilà. C'est un jaune, comme on appelle les syndicats jaunes, qui sont trop proches du patronat. Ludivine Montigny. Oui, ben je pense que là on est face à la question que soulèvera pour un autre événement, celui de Charonne, la manifestation réprimée par la police le 8 février 1962, l'historien Alain Dezerpe, la question de la violence d'État qui pose cette interrogation fondamentale sur à quoi l'État a-t-il droit, c'est-à-dire quelle est cette situation singulière où les gouvernants, pour reprendre ces mots, en viennent à tuer les gouvernés. C'est un massacre, ce sont des massacres de rue, d'espace physique, mais ce sont aussi ce qu'ils nomment des massacres de bureaux et de papier, parce que ça se fait aussi dans une décision qui est administrative et qui est aussi profondément politique. Oui, alors vous n'êtes pas d'accord, Laurent Lepage, je vous ai lu, avec le terme de violence d'État. Vous dites qu'en fait, il y a eu une pacification des pratiques qui montre qu'on ne peut pas parler de violence d'État, du moins au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle. Je dirais qu'il n'y a pas de... Il peut y avoir des violences d'individus, comme le dit Yves Michaud, il peut y avoir des comportements policiers qui sont brutaux, voire homicides. En revanche, quand on regarde sur la longue durée, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, il peut y avoir un décalage entre les pratiques et la théorie, mais en tout cas, sur la longue durée, on voit vraiment qu'il y a une volonté de l'État de pacifier au maximum le maintien de l'ordre. On pourrait également parler de... Il est pris en ciseaux, l'État. Il est théoriquement démocratique et en même temps, il doit effectivement réprimer ses propres citoyens, ce qui est compliqué tout de même. Il doit réprimer des citoyens qui transgressent des lois républicaines. Mmh. Donc, effectivement, on a, pour des forces de l'ordre, la difficile application sur le terrain de cette équation que vous soulignez. Oui, Arnaud. Alors, on utilise souvent pour mesurer cette pacification un indicateur qui est peut-être pas le meilleur finalement, c'est justement le nombre de victimes. Alors, les victimes tuées, c'est évidemment très spectaculaire et très symbolique, mais l'indicateur du nombre de blessés... La baisse du nombre. La baisse, elle est très nette, mais la question, on peut la poser aussi à partir des blessés. Et on n'aurait pas forcément justement la même chronologie, les mêmes résultats. Alors il y a une tendance de longue durée à la réduction de la violence, mais il me semble que c'est justement une des leçons... C'est ce que dit une circulaire sur le maintien de l'ordre de 1930 qui est citée par Laurent Lepez. Il faut remplir la mission en évitant les conflits brutaux et sanglants. La circulaire de 1930, elle est très éloquente sur, encore une fois, l'intention. Mais cette tendance de longue durée, il me semble qu'on peut la réinterroger... à la lumière justement de la décennie qui s'est écoulée, parce que il nous semblait sans doute évident à la fin du XXe siècle et au tout début du XXIe siècle qu'on allait vers des formes de manifestations de plus en plus pacifiques, ritualisées. Il me semble que depuis 2005 au moins, il y a eu les manifestations dans les banlieues en novembre 2005, il y a eu la crise du CPE, il y a eu les manifestations loi travail, il y a les gilets jaunes. Il y a eu Sivens avec la mort de Rémi Fraisse. Ça commence à faire beaucoup d'événements qui... indépendamment du nombre de victimes, du nombre de tués, mais qui, sur le niveau de violence mobilisé, mettent en question cette piste de la pacification, parce que peut-être qu'il y a à un moment des inversions de logique aussi. Police and Man Back de The Clash. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Police on My Back, donc dans cette émission dans laquelle nous réfléchissons à partir de l'exemple de la crise des Gilets jaunes à la question de la violence et du maintien de l'ordre en République. Avant de donner la parole à Ludivine Bontigny pour évoquer le moment mai 68, un petit mot, Laurent Lopez, sur ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres et l'invention de nouvelles manières de gérer justement cet ordre public en temps de manifestations ou d'émeutes, et en particulier l'invention des lacrymogènes. J'ai lu chez vous que on avait inventé les lacrymogènes, mais que dans les années 20 et 30, on rechignait du côté des forces de l'ordre à les utiliser parce qu'elles rappelaient trop la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, les gaz lacrymogènes, ce sont les avatars des gaz de combat, les tristes, les funestes gaz de combat de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, donc les gaz lacrymogènes, ils sont introduits, par exemple, dans des pays, l'Allemagne avec la République de Weimar, et en France. À partir du début des années 30, au sein de la gendarmerie, on suggère de pouvoir également utiliser ces gaz lacrymogènes parce que le but, c'est d'éviter le contact. On sait que dès qu'il y a un contact entre manifestants et forces de l'ordre, ces contacts sont propices à tous les incidents, y compris les plus dramatiques. Et quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, c'est le rôle du politique également dans les formes que peut prendre le maintien de l'ordre. Et en fait, ces suggestions d'emploi de gaz lacrymogène pour éviter au maximum des violences qui pourraient être meurtrières sont refusées par les politiques qui ont pu vivre la Première Guerre mondiale et qui associent immédiatement le mot gaz à des souvenirs encore très très présents. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, désormais, après la Seconde Guerre mondiale, le terme de gaz ou de gazé prend un tout autre sens que celui qu'il pouvait avoir dans ces années 20 et 30. Ludivine Bontigny, vous expliquez qu'après la Seconde Guerre mondiale, justement, eh bien, cette doctrine de maintien de l'ordre insiste sur l'idée qu'il faut agresser les sens et non les corps. Vous citez évidemment Alain de Verpe à propos de son grand livre sur Charonne, qui dit « Les cadres et les gradés sont amenés à considérer la manifestation comme une pratique politiquement faiblement légitime, susceptible de mettre en cause le jeu normal de la démocratie représentative dont on parlait hier. » Alors, la guerre d'Algérie joue sûrement un rôle, évidemment, dans cette question du maintien de l'ordre, mais vous êtes spécialiste de 1968. Que se passe-t-il de particulier justement dans cette conception du maintien de l'ordre dans ces années 60 et en particulier dans cette année 1968, Ludivine Bontigny? Oui, pour faire écho à la discussion que nous avions avant d'écouter les clashs, en fait je crois qu'il n'y a vraiment pas de linéarité chronologique dans l'évolution de ces violences et de ce maintien de l'ordre. Parce que même s'il y a en effet des tentatives de pacification, on ne peut pas passer sous silence ces moments d'acmé de violence que sont et qui marquent beaucoup ensuite la mémoire au moment de 68, le 17 octobre 1961, avec la manifestation des Algériennes et Algériens à Paris qui est férocement réprimée. Pierre Vidal-Naquet parlera d'un événement proprement stupéfiant. et le journaliste Philippe Bernard dans Le Monde évoquera une Saint-Barthélemy des musulmans. Il faut quand même se rappeler que précisément, là, ce que vient de dire Laurent Lopez à juste titre pour la période antérieure, n'est plus valable. Le 17 octobre 1961, on n'est pas dans une mise à distance des corps, hein, mais on est dans des manières de porter des coups de crosse, de gourdin, d'étouffer les gens, de les tuer avec des rafales de pistolets mitrailleurs. Il y a des policiers comme Raoul Letard qui témoignent, ont tiré sur tout ce qui bougeait. Et là, c'est encore une fois la question de cette violence d'État. Hein. Je reprendrai ce que dit l'historien Emmanuel Blanchard à ce sujet, hein, qui parle d'un massacre occulté à partir du 17 octobre 61 et d'un mensonge d'État puisque l'État officiellement ne reconnaît que 3 morts. Et ça va avoir des conséquences évidemment en 1968 parce que finalement, alors en 68, on se souvient surtout de Charonne, bien sûr. On entend beaucoup. Parce que Charonne est portée par la mémoire du Parti communiste français en particulier. Bien évidemment, puisque toutes les victimes, les 9 victimes, ont été des militants syndicaux de la CGT et pour la plupart des militants et militantes communistes. Et en fait, certains d'ailleurs vont citer Hugo qui disait « les morts sont des vivants mêlés à nos combats ». Les morts sont des vivants mêlés à nos combats, c'est-à-dire que ben voilà, ce souvenir du massacre de Charonne en 1962 ressurgit au cœur même de la physique du politique que j'évoquais rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire que on se souvient charnellement de Charonne, et même si bien sûr le préfet de police de Paris a changé, hein, puisqu'on est passé de Maurice Papon à Maurice Grimaud, il y a quand même vraiment ce traumatisme qui revient à plein. Et donc cette politique et cette façon de maintenir l'ordre, il faut peut-être rappeler Laurent Lopez et Arnaud Hout et peut-être aussi Anne Steiner qu'elle évolue tout au long de ce siècle et qu'on invente des techniques. Le préfet Lépine dont on parlait tout à l'heure au début du XXe siècle invente cette technique, en particulier du manège dont parlait Anne Steiner tout à l'heure. Mais à d'autres moments, parce que évidemment vous le rappeliez très bien les uns et les autres, eh bien les manifestants changent de stratégie et les forces de l'ordre changent elles aussi de stratégie. Il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en route, même s'il y a des figures qui reviennent régulièrement, l'arrachage de pavés ou les incendies et les arbres coupés, par exemple. Laurent Lopez et Anne Steiner. Oui, exactement. Alors, vous parliez d'adaptation, justement, dans cette circulaire du 30 août 1930 qui constitue, en quelque sorte, la doctrine de la gendarmerie en matière de maintien de l'ordre. Hein. Ça fait 135 pages et ça décrit les aspects les plus minutieux du maintien de l'ordre. Donc on a la volonté d'avoir un maintien de l'ordre qui s'adapte. Je me souviens plus exactement des termes précis, mais en gros, il doit pas y avoir de prescriptions trop rigides, puisque en matière de maintien de l'ordre, les gendarmes doivent éviter ce qui peut apparaître comme une provocation, un acte de brutalité, voilà, un abus de pouvoir. Et plus tard, il est dit que le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui est plastique, et donc dans le cours du maintien de l'ordre, les gendarmes doivent être capables d'adapter leur attitude à des événements complètement imprévus. Juste pour faire un lien entre 61 et la période de 68, on s'aperçoit que dans l'organisation de la police en France, effectivement, cette guerre d'Algérie constitue un énorme traumatisme, hein, puisqu'on a également des dizaines de morts parmi les policiers et les gendarmes, à la fois en Algérie et en métropole. Et à partir des années 61, on a une réflexion extrêmement intense sur le maintien de l'ordre. On n'a pas parlé également de manifestations paysannes extrêmement violentes dans les années 61. Il faut le rappeler, effectivement. Et en particulier en Bretagne, mais pas simplement. Parmi les pouvoirs publics, il y a une réflexion intense sur le maintien de l'ordre. Alors, sachez par exemple que c'est une époque, en 61, face à des policiers qui sont tués presque quotidiennement, il est évoqué la possibilité de doter les policiers de mortiers, de mitrailleuses lourdes, de grenades défensives. Bon, alors, heureusement, ça ne s'est pas fait. Et les premiers à dire, mais non, il ne faut pas doter les policiers de ce type d'armes parce que c'est des armes militaires. C'est d'abord l'armée qui doit garder le monopole de cette violence ultime. Je voulais dire que le modèle de la manifestation négociée, pacifiée, qu'on voit avec la deuxième manifestation Ferrer, la SFIO 1909. L'a voulu ainsi, brillant, était favorable à cela, l'épine très inquiet, n'a pas perduré. Ça se met en place très longtemps, puisqu'il y a une véritable résistance de la part des foules, de la part du... D'être canalisé et contrôlé. Et alors, il y a la volonté de se répandre dans les rues, et les syndicats disent non, ou les partis politiques disent oui, non. Oui, parce que la CGT à cette époque est très tumultueuse. Mmh. Donc, après, il y a la montée au mur des fédérés qui a lieu en mai chaque année, qui se fait dans les mêmes conditions, négociées. Là, on a 30 000 personnes qui, dans le calme, vont honorer les morts de la commune au Père-Lachaise. Mais un tout petit peu plus tard, un ouvrier ébéniste est tué lors d'une grève au Faubourg Saint-Antoine. Et là, la foule qui accompagne le cortège funèbre, il y a plus de 20 000 personnes qui se massent pour accompagner la dépouille de cet ouvrier Henri Clerc du Faubourg Saint-Antoine jusqu'au cimetière de Pantin, refuse absolument d'être canalisé, dévie du parcours prévu. Et c'est une longue émeute, vraiment, qui se déroule jusqu'aux portes de Flandre. Et voilà. Il faudrait rappeler aussi, Arnaud, et ce que disait très brièvement Laurent Lopez à l'instant, que le surgissement dans Paris, et dans la capitale, lieu du pouvoir central, de ces manifestants et de ces émeutes, vient de toute la France, et qu'il y a des pratiques de manifestation qui sont différentes selon les endroits où on se situe. Quand on regardait les émeutes et les manifestations de l'autre jour à Paris, on pouvait se souvenir de la manifestation des sidérurgistes de Lorraine à la fin des années 70 qui protestaient contre la fin de leur travail. Et on pouvait se rappeler aussi les incendies de préfecture qui étaient accomplis et qui sont encore accomplis régulièrement par les paysans lorsqu'ils sont mécontents de la politique agricole commune ou des politiques faites par le gouvernement en matière d'agriculture, en l'occurrence Arnaud. Et donc tout cela converge et peut avoir des figures et des formes très différentes. C'est un point fondamental, parce qu'il y a une distinction à faire ici entre le maintien de l'ordre parisien, qui est forcément très visible, très médiatisé, très exposé, et donc pour lequel on dégage très précocement des moyens importants. On l'a encore vu, justement, ces derniers week-ends. Paris, c'est une priorité, donc les moyens sont là. Donc il y a parfois un gouvernement qui va se donner les moyens de tenir ses objectifs. C'est beaucoup moins vrai, de manière générale, dans les villes de province, parce qu'il y a moins d'effectifs policiers, et c'est encore moins vrai si on élargit à la question de l'outre-mer, parce que pour le coup, la crise des Gilets jaunes le rappelait à propos de la Réunion, mais il y a une conflictualité sociale qui est très très forte ces dernières années, Guyane et avant cela Martinique ou Guadeloupe, pour laquelle il y a des niveaux de violence qui ne sont pas les mêmes non plus. Alors ça, c'est une idée ancienne, parce que je pensais vraiment pour le coup, quand on cherchait des analogies un peu improbables à la crise des Gilets jaunes, on pouvait, j'ai vu certains collègues évoquer, par exemple, la crise des inventaires des biens de l'Église en 1906, pour le côté très provincial et justement très délocalisé et un peu désorganisé. On a aussi évoqué la révolte du Midi, Vigneron 1907. En 1907, qui est peut-être très proche de ce point de vue, par le côté aussi interclassiste et un petit peu complexe. On ne sait pas très bien en 1907 qui véritablement structure le mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est que plus on est loin de Paris, plus il y a une difficulté du gouvernement à prendre en charge finalement la révolte et à essayer de la comprendre. Et d'ailleurs, vous assistiez bien dans votre livre, Ludivine Bantigny, sur les 68 ailleurs qu'à Paris, et vous montriez bien effectivement que, par exemple, pour la deuxième nuit des barricades, le 24 mai, eh bien, des villes comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux un peu plus tard, étaient très frappées elles aussi, et qu'on en avait fait moins de cas, évidemment, que de ce qui se passait à Paris pour cette question, justement, à la fois des dégâts et du maintien de l'ordre afférent. Bien sûr, et dans le sillage de ce que vient de dire Laurent Lopez, il faut se rappeler qu'avant mai-juin 68, il y a eu un mai 67 à la Guadeloupe. Bien sûr. Avec un massacre, une répression extrêmement féroce, des dizaines de morts. On ignore encore le chiffre exact de ces victimes. Et il y a eu un travail mené par Michel Zancarini-Fournel pour tenter justement de tirer au clair cette question du nombre de victimes pour 1967 en Guadeloupe. Absolument. Et ce que vous avez dit aussi tout à l'heure est intéressant à propos du fait que 1968 ne commence pas forcément au quartier latin sur les pourtours de la Sorbonne, mais dès 67 à Quimper, en octobre 1967, où ce sont des agriculteurs rejoints par des salariés, des ouvriers et aussi des étudiantes et des étudiants qui manifestent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre avec les premiers pavés qui sont lancés. En 1968, c'est vrai qu'on a gardé l'image de la supposée bonhomie de Maurice Grimaud, et il ne s'agit pas du tout de le comparer précisément à son prédécesseur Maurice Papon. Mais ce qui est certain, c'est que non seulement il y a une tactique de mise à distance des corps qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'usage de gaz, dont certains disent qu'il s'agit de gaz de guerre, hein, très toxique, de grenades incendiaires, de grenades offensives, mais comme le montrent très bien les archives liées aux plaintes consignées par l'inspection générale des services de police, y a des corps à corps, en fait. Il y a des gens qui sont roués de coups jusqu'à perdre connaissance, des préjudices et des blessures qui sont très graves. Mais vous rappelez aussi qu'il y a 1138 policiers blessés dans la police parisienne, dont 338 CRS, 436 gardes mobiles, qu'à Saint-Nazaire, un policier ou un garde mobile s'est vu amputé de la main, etc. Donc c'est la violence, elle est des deux côtés en l'occurrence, c'est très fort. Bien sûr. Forcément, c'est une spirale avec une forme de réciprocité, mais qui va jusqu'à, et là c'est quand même important de le souligner parce que souvent on a tendance à rabattre 1968 sur sa dimension joyeuse et festive ou la grève générale, mais il y a aussi des morts en 1968 et tout particulièrement en juin. Et notamment ces deux morts à l'usine Peugeot-Sochaux, Pierre Bellot et Henri Blanchet, qui meurent le 11 juin 1968. Et c'est frappant que la mémoire en ait si peu gardé le souvenir, parce qu'ils ont quand même été tués lors de l'intervention des CRS dans l'usine, l'un d'une balle dans la tête et l'autre d'un tir de grenade offensive. Et je pense à cet égard aux travaux de Mathieu Rigouste sur la période la plus contemporaine, mais qui fait le lien entre les guerres coloniales et les façons de maintenir l'ordre aujourd'hui, avec à la fois des formes de continuité. Il parle d'un enférossement, hein, pour reprendre le terme. C'est-à-dire que là encore, on ne peut pas parler véritablement de linéarité. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure à propos de la période la plus récente qu'on vient de vivre, et notamment une accélération de la modification des dispositifs policiers, des dispositifs de NAS, les tirs tendus de flashball, les grenades offensives, qu'on a connues notamment à partir du mouvement anti-loi travail en 2016, mais que, comme le souligne Mathieu Rigouste, on peut aussi connaître dans certains quartiers populaires, banlieues populaires. Laurent Lopez, il y a tout de même quelque chose de très intéressant qui m'a, disons, surpris personnellement, c'est comment un pouvoir peut-il avoir des scénarios de rechange lorsqu'il se retrouve face à ces manifestations qui n'ont pas de forme préétablie d'une certaine façon. On voit bien qu'entre le 1er et le 8 décembre, qu'entre le 8 décembre et la dernière manifestation, eh bien, il y a eu des changements de stratégie. On se dit, mais y a-t-il des scénarios préétablis qui sont, par exemple, travaillés au centre de perfectionnement de la gendarmerie dont vous parlez, qui a été créé après 1968, en 1969, du côté de la Dordogne et à Saint-Astier. Est-ce que d'une certaine façon, on a des scénarios de rechange pour assez rapidement dire on va changer de stratégie parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu. Je vais vous rappeler cette fameuse citation, gouverner c'est prévoir et prévoir le pire. Effectivement, enfin la. C'était Pierre Mendès France, gouverner c'est prévoir. Vous avez notamment des gendarmes, c'est également le cas pour les CRS, qui sont entraînés à pouvoir déployer la plus grande force et non pas la plus grande violence. Hein. Donc il y a cette idée de maîtrise, pouvoir déployer la plus grande force, y compris par les armes les plus mortelles, pour finalement ne jamais les utiliser. Mais effectivement, on a des hommes qui sont entraînés à devoir envisager toutes les situations, du simple encadrement d'une manifestation la plus pacifique, et c'est quand même le plus souvent le cas. Enfin, ce qu'on oublie de rappeler, effectivement, on se focalise sur les événements les plus dramatiques. Mais l'immense... parce qu'il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Loin de moi l'idée de dîner. Ouais. Bien sûr qu'il y en a, mais dans le contexte social actuel, la grande majorité des manifestations se déroulent le mieux, et puis souvent avec des policiers ou des gendarmes qui ne sont que les spectateurs d'une manifestation qui s'écoule paisiblement. Oui, et quand elle ne s'écoule pas paisiblement, qui fait des dégâts matériels J'ai pas répondu à votre question, effectivement, sur les scénarios. Ce qu'on peut noter, justement, en mai 68, la gendarmerie est déjà consciente qu'il y a un certain nombre d'insuffisances dans ses méthodes, dans son équipement. les gendarmes sont insuffisamment protégés. Et il est assez étonnant de voir que à partir du moment où les événements mars-avril mai 68 débutent, on a un long rapport au sein de la gendarmerie qui envisage déjà de modifier profondément, c'est-à-dire que Saint-Astier est en germe avant même les événements de mai-juin. Le Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie. En fait, on a effectivement en germe, avant même les événements de mai 68, l'idée de la nécessité de réformer l'équipement, la doctrine, les méthodes de la gendarmerie. Et de manière assez étonnante, on voit même un colonel de gendarmerie qui, alors que les événements n'ont pas commencé, qui met en place tout un scénario avec une manœuvre qui mêlerait à la fois des gendarmes, des policiers. Et en fait, les événements se déclenchent et cette manœuvre n'aura jamais lieu. Un dernier mot, Arnaud Hout, sur justement ces évolutions sur la longue durée des techniques de maintien de l'ordre et de violence aussi des manifestants ainsi que de l'État. Un point qui me semble intéressant, qui avait été souligné par des sociologues, notamment Fabien Jobard, Olivier Filleul, c'est la question des sommations et de la communication. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'à la fin du 19e siècle, un des principes fondamentaux pour garantir justement l'exercice du maintien de l'ordre, c'est le principe des sommations qui doivent permettre d'informer les manifestants qu'une charge va avoir lieu, qu'une dispersion va avoir lieu, etc. Or, cette question des sommations, elle a très peu évolué, et notamment sur le plan technique. On a aujourd'hui des dispositifs sonores, j'allais dire, pour faire connaître les sommations, qui sont à peu près les mêmes qu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est inaudible, c'est incompréhensible, et c'est un facteur fondamental, sans doute, dans l'incompréhension que les manifestants peuvent ressentir au moment justement où ils sont pris en charge violemment par la police. Un dernier mot, Ludivine Mantini, très brièvement. Oui, il y avait eu dans la police et au niveau gouvernemental ce qu'on avait appelé en leur sein un syndrome Malikosekid. Malikosekid, du nom de ce jeune homme qui était mort le 6 décembre 1986, frappé à mort par des policiers voltigeurs. Et on a le sentiment que ce syndrome, donc ce traumatisme de cette mort, est moins vivant aujourd'hui quand on voit le niveau de la répression et des jeunes gens, notamment lycéennes et lycéens, qui sont vraiment gravement blessés par des tirs tendus de flashball, certains dans le coma, d'autres mâchoires arrachées, joues arrachées, éborgnées. Là, on a une évolution, une accélération qui me semble assez majeure dans la période actuelle. Un dernier mot, Anne Steiner. Oui, mais à ce propos, je voudrais renchérir. Il y a quand même une vieille dame de 80 ans qui a été tuée à Marseille et je n'ai pas entendu un mot d'excuse ou je n'ai pas perçu la moindre émotion par rapport à cette mort, ce qui est quand même incroyable si on se rapporte aux années 1980 et à la mort de Malik Houssekin. C'est passé comme une lettre à la poste. Merci beaucoup. Enfin, on en a parlé dans les médias, effectivement, oui, mais effectivement, peut-être pas du côté gouvernemental. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus. Donc, Laurent Lopez, Ludivine Mantini, Anne Steiner et vous-même, Arnaud Hout, pour débattre de ces questions de maintien de l'ordre sur la longue durée qui nous permettent de réfléchir à ce qui s'est passé pendant cette crise des Gilets jaunes. Sur les livres de nos invités de ce matin sur le site franceculture.fr. Demain, nous parlerons argent, impôts, pour évoquer cette crise des Gilets jaunes. Une émission préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Emmanuel Morse-Duncan était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation.